Chapitre 7e. Les vers de Rikiki. Les duels sont comme les bonnes fortunes, il est rare qu'ils arrivent seuls. Avec le comte de la Guérinière, dont la réputation de dueliste demandait à être soutenue, il devait en être ainsi. Il eut encore peu après une autre affaire, mais la raison de ce nouveau duel ne semblait nullement se rattacher aux affaires précédentes. Il ne s'agissait de rien ayant rapport, de près ou de loin, à la famille Montreuil, à Riri ou à une personne de cet entourage. Seule, la toute jolie Lucette Minois devait se trouver en cause. La divette était l'idole du public du Lutetia et le nombre de ses adorateurs se chiffrait par milliers. On pouvait dire que tout homme qui l'entendait devenait amoureux d'elle. Mais c'était autant de soupirs perdus, disait-on, sans pouvoir rien affirmer cependant, car en cela moins qu'en toute autre chose, il ne faut jurer de rien. Toutefois, la légende du monde des théâtres ne lui donnait qu'un amant officiel et ne l'en prêtait quelques autres qu'au jour de grande médisance ou parce qu'il semblait au mieux intentionné impossible qu'une aussi jolie femme se réservât pour le bonheur d'un seul homme. Il faut dire, pour tout avouer, que Lucette Minois trouvait son avantage, comme on dit dans les coulisses, dans cet amour du comte de la Guérinière, son amant étant fort généreux. Par conséquent, le soupirant qui voulait connaître aussi le sourire de cette exquise diva devait y mettre, outre la plus grande discrétion, un prix tellement élevé que cueillir une étoile à cette hauteur n'était pas à la portée de tout le monde. Il fallait payer cher et garder le secret de la conquête. Or, certaines amours de ce genre n'ont en vérité de la valeur que parce que tout le monde sait qu'elle est l'heureux mortel. De plus, l'épée redoutable du fameux comte de la Guérinière donnait fort à réfléchir aux plus audacieux. Cependant, depuis quelque temps, on voyait dans une loge, toujours la même, un spectateur qui semblait trouver à la revue des charmes extraordinaires, puisque tous les soirs il était là. Naturellement, en scène, les artistes ne pensèrent pas un seul moment que cet amateur venait uniquement pour la pièce. Quoiqu'elle fût remplie d'esprit, ils se dirent qu'il était là pour une des artistes, mais pour laquelle? Cet homme, encore jeune, très élégant, assez beau garçon, avait une barbe blonde, des cheveux très soignés, pas mal de ventre, comme tout bon vivant, l'air content de soi et l'aspect jovial et débonnaire d'un gentilhomme de province qui fait la fête à Paris. On le disait très riche. En scène, on rivalisait de grâce, de coups d'œil aguichant pour le décider à se déclarer. Quelques petites cervelles, sous les perruques blondes ou brunes, firent de jolis rêves. On finit par apprendre son nom. C'était M. Mathieu, copropriétaire d'une grande sucrerie du Nord. Ce qui lui valut dans les coulisses où chacun l'espérait, le surnom de la betterave. On le prétendit millionnaire. Mais la betterave ne se déclarait toujours pas. Il venait au spectacle, écoutait, riait, applaudissait du bout des doigts comme il convenait, fumait son cigare, puis s'en allait. Il montait dans une auto superbe, et nul ne le revoyait que le lendemain. Personne ne le rencontrait hors du théâtre, sauf Lucette Minois qui le vit plusieurs fois s'asseoir, toujours seul, toujours souriant, dans un thé célèbre, à une table voisine de la sienne. Lucette Minois, se trouvant avec le comte de la Guérinière, ne pouvait attacher aucune importance à cette rencontre. Elle n'en parla même pas au théâtre, mais elle retrouva plusieurs fois encore la betterave sur son chemin. Elle n'eût pas été femme si elle n'avait compris. Ainsi la betterave venait pour elle. Cela la flatta, l'amusa, et avouons-le entre nous, comme M. Mathieu était millionnaire, cela lui parut très intéressant. Mais aussi discrète que son soupirant, Lucette Minois se garda bien d'en rien dire aux bonnes petites camarades. Elle les laissa chercher toujours celle pour qui la betterave venait chaque soir. Elle s'amusa de leur petite comédie pour essayer de le prendre et les écoutait faire toutes sortes de commentaires, de suppositions, échafauder les combinaisons les plus bizarres. Lucette Minois était trop fine pour livrer son secret aux autres et rien laisser voir, surtout au comte de la Guérinière. Elle attendait aussi que M. Mathieu se déclarât de façon plus positive. Alors, elle verrait. D'ailleurs, elle aimait son amant. Oui, elle l'aimait suffisamment pour ne le tromper que quand cela en valait bien la peine. De son côté, le comte de la Guérinière semblait vraiment et sincèrement aimer la divette, et il se montrait extrêmement jaloux. Or, comme il était très chatouilleux, très violent, et toujours prêt à pourfendre n'importe qui, Lucette, fine mouche, ne risquait jamais une compromission dangereuse pour elle et pour l'autre. En ce cas, qui n'était pas nouveau, on le pense, elle continua sa politique d'expectative et sa diplomatie d'attente, qui lui réussissait à merveille. Quant à M. Mathieu, avec son air bonasse, il attendait paisiblement, guettant pour lui aussi le moment où le hasard, secondé par la grande prudence, le mettrait à même, sans risque pour lui et pour Lucette, de réaliser ses projets amoureux. Mais il avait affaire à une double partie, d'un côté très souple et très gracieuse, certes, mais de l'autre très forte et très avisée. Quelque soin qu'il prit de ne rien laisser voir de ses sentiments, de son désir, le comte de la Guérinière n'avait pas tardé à deviner son jeu. Toutefois, il se garda bien de permettre à Lucette de soupçonner qu'elle était surveillée et que la betterave était filée également. Le comte s'amusa à jouer le rôle de l'amant que l'on va tromper. Il suivait les progrès de l'attaque et les faiblesses de la défense, se disant qu'il saurait intervenir au bon moment et montrer à Lucette d'abord, ensuite à la betterave, qu'on ne le jouait pas. Ce serait une leçon de plus pour les autres. Pendant que cela se passait dans ce monde du Lutetia, et cela ne nous intéresse que parce que le comte de la Guérinière y est directement mêlé, Paulin Broquet continua avec les deux frères, Raoul et Robert, l'œuvre de recherche et de réparation qui réhabiliterait la mémoire du financier Montreuil. Déjà, plusieurs familles qui avaient maudit le nom de Montreuil aujourd'hui bénissaient celui de Raoul, de Robert et de Raymonde, comme l'avait fait en mourant la mère de cette infortunée Marie Labossu et de cette exquise Riri la Jolie. Paulin Broquet cherchait également la solution du problème du dossier mystérieux. Il avait la conviction que Maître Béjanet, ami de tout temps du banquier Montreuil, devait être au courant de cette affaire depuis le début. Mais il pensait également que sous aucun prétexte, le notaire ne sortirait du secret professionnel et même, pour servir la justice, ne consentirait à donner la moindre indication. Il fallait par conséquent se passer de ce concours. Paulin Broquet donc opéra comme s'il devait, non seulement ne rien attendre du notaire, mais même agir contre lui. Il donna à son lieutenant l'amorce, mission de savoir à quel bureau de poste voisin de l'étude les clercs de Maître Béjanet expédiaient les lettres ou venaient recommander les plis et les papiers d'affaires qui réclamaient cette garantie. Paulin Broquet eut peur que ce ne fût au grand bureau central, à l'hôtel des postes, mais l'amorce lui dit que les changements de l'étude se faisaient au bureau de la bourse. Paulin Broquet s'en montra satisfait. Il obtint, en haut lieu, que sans qu'on sût pourquoi, on apporterait au parquet les livres d'enregistrement des plis chargés durant les mois qui correspondaient à la mort du banquier. Ces livres furent ensuite remis à Paulin Broquet, qui les parcourut avec l'intention qu'il apportait à ces sortes d'affaires. Et il finit par trouver que vers le 17 mai, Maître Béjanet avait expédié une lettre chargée à une personne désignée ainsi sommairement sur ce registre, Verdier, Ménilmontant. Paulin Broquet, en lisant cette suscription, eut l'intuition qu'il venait de trouver la bonne voie. « Verdier, Ménilmontant, se dit-il, ce doit être mon affaire. Voilà probablement ce que je cherche. » Il appela son lieutenant Lamorce dès qu'il rentra chez lui. « Tu es un malin, lui dit-il, un finaud, un débrouillard. On fait ce qu'on peut, chef. Bon, nous allons voir ce que tu peux faire. Commander. Tu connais Ménilmontant ? Ménilmuche ? Oui, chef. Bon. Tu vas aller à Ménilmontant me dénicher un Verdier. Homme ou femme, je n'en sais rien. C'est pour le savoir que je t'y envoie. Bon, chef, bon, on essaiera. Voilà. Et sans te presser, tâche que ce soit pour tout de suite. » Lamorce n'en demanda pas plus. Il se mit aussitôt en campagne. Son chef pouvait être sans alarme sur son compte. Lamorce découvrirait tous les Verdiers de Ménilmontant. Seul un homme comme Lamorce pouvait accepter une mission aussi difficile que celle dont l'avait chargé Paulin Broquet. Trouver un Verdier, homme ou femme, dans la population de Ménilmontant. C'était en apparence aussi facile que de trouver une aiguille dans une meule de foin. Toutefois, Paulin Broquet ne donnait jamais à ses hommes de missions qu'ils ne pussent, quoique très difficiles, remplir. Avant de les envoyer, il préparait le chemin. Pour ce Verdier, il fit de même. Certes, il envoya Lamorce chercher le Verdier inconnu, mais il ne l'expédia pas à l'aventure, au hasard, au petit bonheur. Il avait donné la marche à suivre. Il a été expédié du bureau de la place de la Bourse un pli chargé vers le 15 mai dernier. Bon, à un Verdier. À Ménilmontant. Tu entends ? Oui, chef. Parfait. Tu vas aller dans les bureaux de Ménilmontant consulter les registres. les instructions se donner pour qu'on te les communique. Bien, chef, tu dénicheras le verdier. Tu verras le facteur qui a porté la lettre. Tu sauras par ce brave homme qui est ce verdier où il demeure. C'est facile. Naturellement, dans ces conditions-là, je te fais toute la besogne. Mais quand tu auras trouvé l'oiseau, tu l'étudieras et tu viendras me le dire. Ce n'était pas en effet extrêmement compliqué. Deux jours après, la morse pouvait dire à Paulin Broquet « Chef, ça y est, je sais où niche l'oiseau, où il perche. Qui sait ce qu'il fait ? Parle, sois bref et clair. D'abord, chef, ce verdier est une femme. Je m'en doutais, très âgée, dans les 50 ans. C'est ça. Après, elle ne fait rien. Elle vit de ses rentes. Elle ne sort jamais d'un petit appartement qu'elle occupe depuis de longues années. Malade, infirme ? Oui, chef, vieille, fatiguée. Des parents ? Seulement un grand-fils et un frère qui viennent rarement la voir. Comment s'appelle-t-il ? Attendez, chef. Le ménage est fait par une vieille bonne. Il est difficile, pour mieux dire à peu près impossible, de pénétrer chez Madame Verdier. Elle ne reçoit âme qui vive, ne fréquente personne du voisinage. On dit que c'est une maniaque, une avare qui a toujours peur qu'on la vole, qu'on l'assassine. Elle est barricadée chez elle et a garni ses portes de gros verrous, ses fenêtres de cadenas. C'est tout ? Elle n'a pas mis de piège à loup dans son corridor ? Peut-être bien. La vieille bonne a l'habitude de priser. Je l'ai su parce qu'elle venait faire sa provision de tabac à nez pendant que j'achetais des cigares. Nous avons fait un peu de causette et même, je l'ai amenée en plaisantant à m'offrir une prise. Et je l'ai forcée, sans grande résistance, à accepter en revanche un petit verre de rikiki. Je te reconnais là. Ensuite, le rikiki, c'est le faible de cette brave femme. Le rikiki est le tabac prisé, sa consolation en ce bas monde. Elle a donc eu des désillusions. Il paraît. Sa maîtresse aussi, cette bonne Madame Verdier. Ah ! Encore une qui n'a pas été heureuse, qui ne méritait pas ses ennuis. Et Julie soupira. Elle s'appelle Julie, en me disant cela. La morse, tu compromets ta mission avec cette femme. Elle a 60 ans. Bref. Après 2 ou 3 rencontres, échanges de prises et de rikiki, Julie, qui était dans ses bons jours, me dit que sa maîtresse était veuve depuis longtemps. Veuve ? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle était restée veuve, très jeune, avec son fils, que ce fils lui avait causé tous les chagrins possibles et que son frère ne valait pas grand-chose. Quand il venait la voir, chaque fois, la bonne Madame Verdier était malade, car elle a des douleurs, et son frère, son fils, lui font faire du mauvais sang. Alors, les douleurs sont plus fortes. C'est une pauvre femme bien à plaindre. Ensuite, Julie prétend que si Madame Verdier voulait l'écouter, elle planterait là son fils et son frère, et qu'elles s'en iraient toutes deux loin, finir tranquilles leurs vieux jours. Mais Madame Verdier a peur de son frère, qui se vengerait, parce que cet homme vient toujours voir sa sœur quelques jours avant qu'elle touche ses rentes. Et il est là, quand elles arrivent. Comment, elle ne va pas les toucher ? On les lui envoie par la poste. Bon, bon, nous y sommes. Attendez, chef. C'est le frère qui fait signer sa sœur quand le facteur présente le pli, et c'est lui qui prend l'argent, sous prétexte de le faire produire. Et il ne donne à sa sœur que juste de quoi vivre. C'est-il pas misérable, infernal, à pendre ? Après, Julie voudrait décider sa maîtresse à partir. Mais Madame Verdier ne veut pas parce qu'une voyante, qui tire le marc de café et fait les cartes, lui a dit que son frère et son fils lui feraient un malheur. Paulin Broquet arrêta son lieutenant. « J'en sais assez. La morse, mon ami, tu vas dire à ta belle Julie, entre deux rikiki, que le marc de café peut se tromper, que l'avenir est peut-être meilleur, qu'il ne faut jamais s'arrêter à une seule voyante. Tu entends ? Tu vas le plus tôt possible décider Julie à engager Madame Verdier à consulter une chiromancienne que tu connais, qui lit aussi très bien dans la main et qui dit des choses étonnantes et vraies. Il le faut, tu comprends ? Oui, chef. Demain, je crois qu'on demandera à la chiromancienne. Mais en cachette. Personne ne doit savoir. Il faut que ce soit absolument secret. Ah, la morse. Dans 3 jours, c'est vendredi. C'est le meilleur jour pour consulter l'avenir. Ça sera fait, chef. La morse s'y prit si bien et joua si habilement du tabac prisé et du rikiki que le vendredi, vers le soir, la chiromancienne annoncée était attendue comme il avait été convenu entre Julie et lui, avec impatience et émotion par Madame Verdier. La pythonisse allait dire la vérité exacte et révéler l'avenir certain à cette malheureuse qui désespérait de tout et dont la vie n'avait été qu'un long martyr. Mais ce soir-là, bien que ce fût un vendredi, la chiromancienne, Madame Roulet, ne put venir donner sa séance à Madame Verdier. L'amorce vint présenter ses excuses à Julie et, entre deux prises de tabac et trois verres de riquiqui, lui dit que Madame Roulet, retenue par des engagements antérieurs chez une personnalité du plus grand monde, ne pourrait venir dire à Madame Verdier, plus que jamais anxieuse, la vérité sur l'avenir qui l'attendait avant la semaine prochaine. Madame Verdier fut donc obligée de mettre un frein à son impatience, à son angoisse, et d'attendre que Madame Roulet, cette merveilleuse chiromancienne si recherchée, si réclamée, si retenue, eut une soirée à lui consacrer. Et Madame Verdier disait à sa fidèle Julie, « Je tremble que cette Madame Roulet ne me prédise un avenir aussi terrible que le passé. »